Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, le drôle de Noël d'Alphonse Allais avec François Morel et Christine Murillo. Le baron, quelqu'un de quelque part, la môme queue de vache, la baronne patent de rouspétance. Ils habitent à Bise-moi sur l'oreille ou à Andouilly-sur-Tourte. Ce sont quelques-uns des milliers de personnages qui déambulent dans l'univers enchanté et déjanté des contes d'Alphonse Allais. Chef de file des hydropathes et figure du chat noir à Montmartre dès les années 1880, Alphonse Allais est un homme pressé. Il n'écrit pas pour la postérité, il n'en a que faire. Il écrit pour tout de suite, pour ses contemporains, ses amis, son public. Car il y a urgence, paraît-il, en cette fin de 19e siècle un peu morose. Urgence, à coup de bons mots et de situations absurdes, voire fantastiques, d'amuser, d'intriguer, de faire rêver et par-dessus tout, de tordre le cou à cet esprit qui aujourd'hui comme hier nous menace, l'esprit de sérieux. François Morel et Christine Murillo nous liront ce soir quelques-unes des 1700 histoires signées d'Alphonse Allais qui n'ont pas pris une ride. On y rencontre des soldats, des curés, des enfants, des messieurs à gros ventre et des dames à chapeau. Bref, des gens ordinaires auxquels arrivent des aventures extraordinaires. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Daniel Grojnowski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, historien de la littérature française, professeur émérite à l'Université Paris 7 et bien sûr, grand spécialiste d'Alphonse Allais. Par quel hasard devient-on spécialiste d'Alphonse Allais ? Quand on est enseignant, on s'aperçoit qu'il y a dans les programmes universitaires des espaces interdits, la prostitution et l'humour par exemple, hein, entre autres exemples. Et j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à Paris 7, Jussieu, où on avait une très grande liberté de manœuvre. Alors je n'ai pas enseigné ni sur l'homosexualité, ni sur la prostitution, mais le comique m'a toujours intéressé pour des raisons certainement personnelles, sur lesquelles je reviendrai peut-être. J'imagine que vous auriez adoré, à la fin du 19e siècle, aller à Montmartre, aux folles soirées du Chat Noir. C'était quoi exactement le Chat Noir ? C'était un cabaret, c'est ça ? Alors, vous allez trop vite, parce que les étudiants des lendemains de la Commune de Paris, oui, et les Français et les Parisiens étaient complètement traumatisés, à vrai dire. Ils ont vécu une époque affreuse, hein, l'hôtel de ville incendié, et a été instauré avec le maréchal Mac Mahon, ce qu'on appelait l'ordre moral. Alors pour des jeunes gens qui étaient traumatisés, il y avait vraiment le besoin de rire, hein, de s'amuser. Donc ils se réunissaient au Quartier Latin, dans des cafés, dans des tavernes, et la grande idée c'était de lire, d'interpréter soi-même les textes, c'est-à-dire que les auteurs étaient des interprètes. Et quelques années plus tard, il y a eu la liberté de réunion, la liberté de la presse, et le Chat Noir a été conçu par Salis nettement plus tard, hein, quand même nettement Rodolphe plus tard. Rodolphe Salis, 1881, je crois. Oui, j'ai pas les dates en tête, mais c'est nettement plus tard. Hein. Et Alphonse Allais, donc c'est un garçon qui arrive de Honfleur. Il est né en 1854. Il vient à Paris pour faire des études de pharmacie, pour faire comme papa, et puis finalement, il va pas du tout faire pharmacien. Voilà, c'est un étudiant. Il fréquente les tavernes, les estaminets. Et il a des grands copains à cette époque-là. Les hydropathes, c'est comme vous le disiez, ceux qui n'aiment pas l'eau, hein, évidemment. Et aux hydropathes, il rencontre des amis qui seront des amis de toute sa vie. Il y a Charles Cros, qui est son aîné, qui est un inventeur prodigieux. D'ailleurs, il y a un encore grand aujourd'hui. Auteur, oui. Voilà. Et il est aussi le grand copain d'un dénommé Sapek. C'est un surnom qui est une espèce de dandy. C'est un personnage incroyable. Incroyable. Ce Sapek, oui. Un situationniste avant la lettre, si vous voulez. Qui fait des scandales, hein, dans les magasins. C'est des petits provocateurs, un petit peu, aujourd'hui ça nous paraît un petit peu, comment dire, enfantin. Mais à l'époque, c'était vraiment, ouf, une bouffée de rigolade, une bouffée d'air pur. Une bouffée de liberté. Et le Chat Noir a bénéficié de cet entraînement préalable. Et après, il y a eu le Chat Noir Cabaret, enfin il y a eu deux Chats Noirs Cabaret. Le premier était boulevard de Rochechouart et le deuxième plus grand, dans le 16e arrondissement. Et le choix est intéressant parce que c'est Montmartre. Hein, et vous savez que dans une conception providentialiste de l'histoire, la défaite de la France, la guerre civile, a été interprétée par l'Église catholique et romaine comme une expiation. Et les députés étaient éminemment royalistes, et en témoignage d'expiation, ils ont voté la consécration de la basilique de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en haut, à un endroit où d'ailleurs avait débuté la prise des canons de la Commune de Paris. Et c'est donc au pied de la butte ce fameux chat noir. Voilà. Où venait Alphonse Allais, c'est à cette époque qu'il a commencé à écrire ? Non, il a écrit bien avant. Hein. Dès qu'il est arrivé à Paris, il y avait des... Vous savez, c'est la liberté de la presse, ça a provoqué des milliers hein, de petites feuilles de choux qu'on retrouve parfois dans les archives. Et donc, il avait publié ici et là des blagues, des combles. À l'époque, on aimait beaucoup les combles. C'est comme les brèves de comptoir, hein, naguère. Et il s'est fait la main. Hein. Il publiait dans les Hydropathes, il publiait un peu partout. Et ensuite, il a publié dans Le Chat Noir, puis il est devenu par la suite rédacteur en chef hein, du Chat Noir. Donc c'est une très longue histoire, en fait. Je pense pas qu'il ait publié 1600 contes, hein, mais au moins un millier, en tout cas. Au moins un millier. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Krojnovski. On se retrouve tout à l'heure pour continuer justement de parler d'Alphonse Allais. Tout de suite, on rejoint François Morel et Christine Murillo, qui nous lisent quelques-uns de ses contes. La réalisation est signée Cédric Aussire. Sale blague. Ce que je vais vous conter là, mes bons petits lecteurs chéris, n'est peut-être pas d'une cocasserie excessive. Qu'importe si c'est une bonne action, et c'en est une. Vous permettrez bien à l'étincelant humoriste que je suis de se taire un jour pour donner la parole à l'honnête homme dont il a la prétention de me doubler. Ma nature frivole et parfois facétieuse m'a conduite à commettre un désastre irréparable peut-être. Fasse le ciel que l'immense publicité donnée à ce récit en amortisse les déplorables effets. C'était hier. J'avais pris à la gare Saint-Lazare un train qui devait me descendre à Maisons-Laffitte. Notre compartiment s'emplit à vue d'œil, on allait partir quand, à la dernière minute, monta une petite femme blonde, assez fraîche et d'allure comiquement cavalière. Son regard tournant, tel le feu du phare de la Ève, inspecta les personnes et finit par s'arrêter sur moi. Elle me sourit d'un petit air aimable, comme une vieille connaissance qu'on est enchanté de rencontrer. Moi, ma foi, je lui adressai mon plus gracieux sourire et la saluai poliment. Mais j'avais beau chercher au plus creux de ma mémoire, je ne la reconnaissais pas du tout. Mais là, pas du tout. Et puis, par-dessus les genoux d'un gros monsieur, elle me tendit sa potelée petite main. « Comment ça va ?» s'informa-t-elle. J'étais perplexe. Ma mémoire me trahissait-elle, ou bien si c'était une bonne femme qui me prenait pour un autre ? À tout hasard, je lui répondis que j'allais pas trop mal. « Et vous-même » ajoutai-je. « Assez bien. Vous avez un peu maigri. » « Peine de cœur, beaucoup. » Ma maîtresse tout le temps dans les bras d'un autre. Et le papa ? Pas plus mal, merci. Et la maman ? Pas plus mal non plus, merci. Et vos petites nièces doivent être des grandes filles maintenant ? Là, je fus fixé. C'est la bonne femme qui se trompait. J'ai deux petits-neveux, très gentils, André et Jacques, mais encore pas l'ombre d'une nièce. Une fois avérée l'erreur de la dame, je fus tout à fait à mon aise et je répondis avec un incroyable sang-froid. « Mes petites nièces vont très bien. L'amputation a très bien réussi. »« L'amputation ? Quelle amputation ? » ?»« Comment ? Vous ne savez pas ? On a coupé la jambe gauche à l'aînée et le bras droit à la petite. »« Oh, les pauvres mignonnes ! Et comment cela est-il arrivé ?» À la suite d'un coup de grisou survenu dans leur pension. Une pension bien mal surveillée, entre parenthèses. » Et avec une habileté diabolique, je manquis de la santé des siens. Toute sa famille y passa. Une tante cathareuse, un père paralytique, une belle-sœur poussive, etc. « Et vous allez sans doute à Évreux ?» poursuivit-elle. « Oh non, madame. Je n'ai jamais refichu les pieds à Évreux depuis mon affaire. » Le ton de réelle affliction sur lequel je prononçais « mon affaire » lui jeta un froid, mais un froid fortement mêlé de curiosité. « Vous avez eu... une affaire ?»« Comment, madame ? Vous ne savez pas ?»« Mais non !»« Les journaux de Paris en ont pourtant parlé !» Une pause. Eh bien, madame, je puis vous le dire, vous qui êtes une personne discrète, j'ai été condamné à 6 mois de prison pour détournement de mineurs, proxénétisme, escroquerie, chantage, recel et gabegie. Maison Lafitte ! Cria l'employé de la gare. Avant de débarquer, je tendis gracieusement ma main à la grosse dame et d'un petit air dégagé. Entre nous, n'est-ce pas ? Je n'avais pas mis le pied sur la terre ferme que j'étais désespéré de ma lugubre plaisanterie. À l'heure qu'il est, tout Évreux sait qu'un de ses fils a failli à l'honneur. Peut-être des familles pleurent, des fiancés sanglotent, des pères se sont pendus dans leur grenier. J'en adjure les directeurs des feuilles locales qu'ils fassent tirer, à mon compte, 10 000 numéros supplémentaires de leur journal relatant cette confession et qu'ils les fassent répandre à profusion dans les grandes et petites artères d'Évreux. Que le jeune hébroïcien, si légèrement compromis, puisse rentrer par la grande porte dans l'estime de ses concitoyens. Et alors seulement, je pourrai dormir tranquille. En voyage. À l'encontre de beaucoup de personnes que je pourrais nommer, je préfère m'introduire dans un compartiment déjà presque plein que dans un autre qui serait à peu près vide. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça embête les gens. J'adore embêter les gens parce que les gens sont tous des sales types qui me dégoûtent. En voilà des sales types, les gens. Et puis, j'aime beaucoup entendre dire des bêtises autour de moi. Et Dieu sait si les gens sont bêtes. Enfin, voilà pourquoi, pas plus tard qu'avant-hier, je pénétrais dans un wagon où toutes les places étaient occupées, sauf une, dont je m'emparais non sans joie. Une seconde raison, et c'est peut-être la bonne, m'incitait à pénétrer dans ce compartiment plutôt que dans un autre, c'est que les autres étaient aussi bondés que celui-là. Parmi les voyageurs de mon wagon, je citerai deux jeunes amoureux, grands sweaters de tunnel, la main dans la main, les yeux dans les yeux, une idylle. Cela me rappelle ma tendre jouvence. Continuez, les amoureux. Aimez-vous bien et toi, jeune homme, mets longtemps ta main dans celle de ta maîtresse. Cela vaut mieux que de la lui mettre sur la figure, surtout brutalement. À côté des amants s'étale un ecclésiastique gras et sans distinction sur la soutane duquel on peut apercevoir des résidus d'anciennes sauces projetées là par la suite de négligence en mangeant. Près de l'ecclésiastique, un jeune peintre très gentil dont j'ai fait la connaissance depuis, beaucoup de talent et très rigolo. Près de la portière, un monsieur et son fils. Le monsieur frise la quarantaine. Le petit garçon a vu s'épanouir cette année son 6e printemps. Pauvre petit bougre. Le père profite des heures de voyage pour inculquer la grammaire à son rejeton. Ils en sont au pluriel, au terrible pluriel. Les mots en « aïe » aussi, excepté éventail et quelques autres dont la souvenance a disparu de mon cerveau. Quand l'infortuné crapaud s'est fourré dans sa pauvre petite caboche la règle et ses exceptions, le professeur passe aux exemples, et c'est là qu'il apparaît dans toute sa beauté. L'enfant tient une ardoise sur ses genoux et un crayon à la main. « Tu vas me mettre ça au pluriel. »« Oui, papa. »« Fais bien attention. »« Oui, papa. » »« Le chacal, cet épouvantail du bétail, s'introduit dans un soupirail. » À ce moment, le jeune peintre me regarde. Je regarde le jeune peintre et, malgré mon sang-froid bien connu, j'éclate de rire, et lui aussi. Le père professeur, tout à sa leçon, ne devine pas la cause de notre hilarité et continue. Voici maintenant les mots en « ou », dont certains prennent au pluriel un « s », d'autres un « x ». J'attends l'exemple, il ne tarde pas. Le pou est le joujou et le bijou du sapajou. Le petit fait une distribution judicieuse d'S et d'X et nous passons à la géographie. Non, vous n'avez pas idée de la quantité énorme de fleuves qui se jettent dans la Méditerranée. Il me semble que de mon temps, il n'y en avait pas tant que ça. Mon ami l'artiste me demande gravement comment, recevant toute cette eau, la Méditerranée ne déborde pas. Je lui fais cette réponse classique que la Providence a prévu cette catastrophe et mis des éponges dans la mer. Le petit qui nous a entendus demande à son père si c'est vrai. Le père, interloqué, hausse imperceptiblement les épaules, ne répond pas et déclare la leçon terminée. Encouragés par ce résultat, nous tâchons d'inculquer au petit garçon quelques faux principes. Savez-vous, mon jeune ami, pourquoi la mer, bien qu'alimentée par l'eau douce des rivières, est salée? Non, monsieur. Eh bien, c'est parce qu'il y a des morues dedans. Oh! Et l'ardoise que vous avez là sur vos genoux, savez-vous d'où elle vient? Non, monsieur. Eh, elle vient d'Angers, et c'est même pour ça que le métier de couvreur est si dangereux. À ce moment, le père intervient et nous prie de ne pas fausser le jugement de son fils. Nous répliquons avec aigreur, avec ça que vous n'êtes pas le premier à le lui fausser, quand vous lui faites écrire que les poux sont les joujoux et les bijoux des sapajous, si vous croyez que ça ferait plaisir à Buffon d'entendre de telles hérésies. Nous entrons en gare, il était temps. Sancta Simplicitas. Il y a dans le monde des gens compliqués et des gens simples. Les gens compliqués sont ceux qui ne sauraient remuer le petit doigt sans avoir l'air de mettre en branle les rouages les plus mystérieux. L'existence de certaines gens compliqués semble un long tissu de ressorts à boudin et de contrepoids. Voilà ce que c'est que les gens compliqués. Les gens simples, au contraire, sont des gens qui disent oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non, qui ouvrent leur parapluie quand il pleut, et qu'ils ont un parapluie, et qui le referment dès que la pluie a cessé de choir. Les gens simples vont tout droit leur chemin, à moins qu'il n'y ait une barricade qui les contraigne à faire un détour. Voilà ce que c'est que les gens simples. Parmi les gens les plus simples que j'ai connus, il en est trois dont l'un entra en relation avec les deux autres dans des conditions de simplicité telles que je vous demande la permission de vous conter cette histoire, si vous avez une minute. Le premier de ces gens simples est un jeune gentilhomme, fort joli garçon et riche, qui s'appelle Louis de Saint-Baptiste. Les deux autres se composent de Monsieur Balizard, important métallurgiste dans la Haute-Marne, et de Madame Balizard, jeune femme pas jolie si vous voulez, mais irrésistible pour ceux qui aiment ce genre-là. Un soir, Madame Balizard demanda simplement à son mari « Est-ce que nous n'irons pas bientôt à Paris voir l'exposition ?»« Impossible !» répondit simplement le métallurgiste. « J'ai de très gros intérêts en jeu et je serais plus fourneau que tous mes hauts fourneaux réunis si je quittais mon usine en ce moment. »« Bien, répliqua simplement Madame Balizard, nous attendrons. »« Mais qui t'empêche d'y aller seul, si tu en as envie ?»« Bien, mon ami. » Et le lendemain même de cette conversation, la simplicité n'exclut pas la prestesse, Madame Balizard prenait l'express de Paris, très simplement. Peu de jours après son arrivée, elle se trouvait au cabaret roumain, très émue par la musique des lotards. La simplicité n'exclut pas l'art. Quand un grand, très joli garçon vint s'asseoir près d'elle, c'était Louis de Saint-Baptiste. Il la regarda avec une simplicité non démunie d'intérêt. Elle le regarda dans les mêmes conditions. Et il dit... Madame, vous avez exactement la physionomie et l'attitude que j'aime chez la femme. Je serais curieux de savoir si votre voix a le timbre que j'aime aussi. Dites-moi quelques mots, je vous prie. Volontiers, monsieur. De mon côté, je vous trouve très séduisant, avec votre air distingué, vos yeux bleus qui ont des regards de grand bébé et vos cheveux blonds qui bouclent naturellement et si fins. Je suis très content que nous nous plaisions. Dînons ensemble, voulez-vous ? Ils dînèrent ensemble ce soir-là et le lendemain, ils déjeunèrent ensemble. Le surlendemain, ce n'est pas seulement leur repas qu'ils prirent en commun, mais tout cela, si simplement. Les meilleures choses prennent fin ici-bas, et bientôt Madame Balizard dut regagner Saint-Dizier. Pas seule, Dieu avait béni son union passagère et coupable, socialement, avec Monsieur de Saint-Baptiste. Ce dernier fut immédiatement informé dès que la chose fut certaine. Et il en frémit tout de joie dans son cœur simple. Ce fut une petite fille. Un beau matin du mois suivant, Saint-Baptiste se dit simplement « Je vais aller chercher ma petite fille. » Et il prit l'express de Saint-Dizier. « Monsieur Balizard, s'il vous plaît. » « C'est moi, monsieur. Moi, je suis monsieur Louis de Saint-Baptiste et je viens prendre ma petite fille. »« Quelle petite fille ?» La petite fille dont Madame Balizard est accouchée la semaine dernière. C'est votre fille. Parfaitement. Tiens, ça m'étonne que ma femme ne m'ait pas parlé de ça. Elle n'y aura peut-être pas songé. Probablement. Et d'une voix forte, Monsieur Balizard cria « Marie !» Marie, c'est le nom de Madame Balizard, un nom simple. Marie arriva et très simplement « Tiens, fit-elle, Louis, comment allez-vous ? » Mais Monsieur Balizard, qui était un peu pressé, abrégea les effusions. « Ma chère amie, Monsieur de Saint-Baptiste affirme qu'il est le père de la petite. »« C'est parfaitement exact, mon ami. J'ai des raisons spéciales pour être fixée sur ce point. »« Alors il faut lui remettre l'enfant. Occupe-toi de ça. Je vous demande pardon de vous quitter aussi brusquement, mais une grosse affaire de fourniture de rails. À tout à l'heure, Marie. Serviteur, monsieur. »« Monsieur. » Les Templiers. En voilà un qui était un type et un rude type et d'attaque. 20 fois, je l'ai vu, rien qu'en serrant son cheval entre ses cuisses, arrêter tout l'escadron, net. Il était brigadier à ce moment-là, un peu rosse dans le service, mais charmant en ville. Comment diable s'appelait-il, un sacré nom alsacien qui ne peut pas me revenir? Comme Wurtz ou Schwartz. Oui, ça doit être ça, Schwartz. Du reste, le nom ne fait rien à la chose. Natif de Neubrisach, pas de Neubrisach même, mais des environs. Quel type, ce Schwartz ? Un dimanche, nous étions en garnison à Oran le matin, Schwartz me dit « Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ?» Moi, je lui réponds « Ce que tu voudras, mon vieux Schwartz. » Alors nous tombons d'accord sur une partie en mer. Nous prenons un bateau, souk dur garçon, et nous voilà au large. Il faisait beau temps, un peu de vent, mais beau temps tout de même. Nous filions comme des dards, heureux de voir disparaître à l'horizon la côte d'Afrique. Ça creuse l'aviron. Nom d'un chien, quel déjeuner! Je me rappelle notamment un certain Jean Bonneau qui fut ratissé jusqu'à l'indécence. Pendant ce temps-là, nous ne nous apercevions pas que la brise fraîchissait et que la mer se mettait à clapoter d'une façon inquiétante. « Diable !» dit Schwartz. « Il faudrait... » Au fait, non. Ce n'est pas Schwartz qu'il s'appelait. Il avait un nom plus long que ça, comme dirait Schwarzbach. Va pour Schwarzbach. Alors, Schwarzbach me dit, « Mon petit, il faut songer à rallier. » Mais je t'en fiche de rallier. Le vent soufflait en tempête. La voile est enlevée par une bourrasque, un aviron fiche le camp, emporté par une lame. Nous voilà à la merci des flots. Nous gagnions le large avec une vitesse déplorable et un cahotement terrible. Prêts à tout événement, nous avions enlevé nos bottes et notre veste. La nuit tombée, l'ouragan faisait rage. Ah, une jolie idée que nous avions eue là, d'aller contempler ton azur, oh Méditerranée. Et puis, l'obscurité arrive complètement. Il n'était pas loin de minuit. Tout à coup, un craquement épouvantable. Nous venions de toucher terre. Où étions-nous ? Schwarzbach ? Ou plutôt Schwarzbacher, car je me rappelle maintenant, c'est Schwarzbacher. Schwarzbacher, dis-je, qui connaissait sa géographie sur le bout du bout des doigts, les Alsaciens sont très instruits, me dit « Nous sommes dans l'île de Rhodes, mon vieux. » Est-ce que l'administration entre nous ne devrait pas mettre des plaques indicatrices sur toutes les îles de la Méditerranée, car c'est le diable pour s'y reconnaître, quand on n'a pas l'habitude. Il faisait noir comme dans un four. Trempés comme des soupes, nous grimpâmes les rochers de la falaise. Pas une lumière à l'horizon. C'était gai. Nous allons manquer l'appel de demain matin, dis-je, pour dire quelque chose. Et même celle du soir, répondit sombrement Schwarzbacher. Et nous marchions dans les petits ajoncs maigres et dans les genêts piquants. Nous marchions sans savoir où, uniquement pour nous réchauffer. Ah ! S'écria Schwarzbacher. J'aperçois une lueur. Vois-tu, là-bas ? Je suivis la direction du doigt de Schwarzbacher. Et effectivement, une lueur brillait, mais très loin. Une drôle de lueur. Ce n'était pas une simple lumière de maison. Ce n'était pas des feux de village, non, c'était une drôle de lueur. Et nous reprîmes notre marche. En l'accélérant, nous arrivâmes, enfin. Sur ces rochers se dressait un château d'aspect imposant, un haut château de pierre, où l'on n'avait pas l'air de rigoler tout le temps. Une des tours de ce château servait de chapelle, et la lueur que nous avions aperçue n'était autre que l'éclairage sacré tamisé par les hauts vitraux gothiques. Des chants nous arrivaient, des chants graves et mâles. Des chants qui vous mettaient des frissons dans le dos. « Entrons !» fit Schwarzbacher, résolu. « Par où ?»« Ah, voilà. Cherchons une entrée. » Il y avait bien des entrées, mais elles étaient toutes closes et pas de sonnette. Alors c'est comme s'il n'y avait pas eu d'entrée. À la fin, à force de tourner autour du château, nous découvrîmes un petit mur que nous pûmes escalader. « Maintenant, fit Schwarzbacher, cherchons la cuisine. » Probablement qu'il n'y avait pas de cuisine dans l'immeuble, car aucune odeur de fricot ne vint chatouiller nos narines. Nous nous promenions par des couloirs interminables et enchevêtrés. Parfois, une chauve-souris voletait et frôlait nos visages de sa sale peluche. Au détour d'un corridor, les chants que nous avions entendus vinrent frapper nos oreilles, arrivant de tout près. Nous étions dans une grande pièce qui devait communiquer avec la chapelle. « Je vois ce que c'est, fit Schwarzbacher, ou plutôt Schwarzbachermann, je me souviens maintenant. Nous nous trouvons dans le château des Templiers. » Il n'avait pas terminé ces mots qu'une immense porte de fer s'ouvrit, toute grande. Nous fûmes inondés de lumière. Les hommes étaient là, à genoux, quelques centaines, bardés de fer, casques en tête et de haute stature. Ils se relevèrent avec un long tumulte de ferraille, se retournèrent et nous virent. Alors, du même geste, ils firent sabre-main et marchèrent sur nous la latte haute. J'aurais bien voulu être ailleurs. Sans se déconcerter, Schwarzbachermann retroussa ses manches, se mit en posture de défense et s'écria d'une voix forte « Oh nom de Dieu, messieurs les Templiers, quand vous seriez 100 000, aussi vrai que je m'appelle Durand, Je me rappelle maintenant, c'est Durand qu'il s'appelait. Son père était tailleur à Aubervilliers. Durand, oui, c'est bien ça. Sacré Durand, va. Oh, quel type. Le bon factionnaire récompensé. Noël, Noël, nom d'un chien qu'il fait froid. Les hommes de garde se tassent autour du poêle qui ronfle comme un sourd. Tous les hommes sont contents, car la nuit qui vient, c'est la nuit de Noël. Et l'on va manger du boudin grillé et boire du bon vin blanc. Le joyeux soldat de deuxième classe, vicomte Guy de la Hurlotte, a déclaré « Puisque je suis de garde cette nuit, ce réveillon-là, c'est ma tournée. » Les yeux luisants, tout le poste a répondu « Vive la Hurlotte !» Ce n'est pas pour dire, mais n'empêche tout de même qu'il fait bigrement froid. « Voilà la neige qu'elle tombe !» annonce la broche qui vient du dehors. Oui, elle tombe, la neige. Elle tombe comme s'il en pleuvait. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Et les hommes se tassent encore davantage autour du poêle qu'on charge de houille. 10 heures. C'est le moment d'aller relever les factionnaires. Le caporal de pose, frileux et flemmard, se demande pourquoi il irait se geler. Bon, les nouveaux iront bien relever leurs camarades tout seuls. La nuit de Noël, est-ce qu'on fait des rondes ? Le pauvre soldat Baju se dirige mélancoliquement vers la poudrière, où l'appelle son tour de faction. Brrr, il ne va pas faire bon à la poudrière de 10 heures à minuit. Pourvu que les autres au poste n'aillent pas manger tout le boudin et boire tout le vin blanc pendant ce temps-là. Faction frigide et triste. La neige s'est mise à tomber en rafale. Baju s'enveloppe et s'abrite du mieux qu'il peut. L'une après l'autre, chaque horloge de la ville décroche avec des lenteurs à en mourir. Les quarts, les demi, les heures. Les paroisses sonnent leur messe de minuit. Et comme la neige abolit tous les bruits du ras de la terre, voilà qu'on entend de très loin les cloches des églises de campagne. Le pauvre Baju a les yeux pleins de larmes. Une des cloches du lointain a tout à fait le même son que la cloche de son église, à lui, là-bas, au pays. Et c'est, pour Baju, la brusque et nette évocation de la maman et des deux petites sœurs, à genoux dans l'église du village, priant le bon Dieu pour que le pauvre gars ne soit pas trop malheureux et, surtout, pour qu'il revienne bientôt. Minuit, et même plus de minuit. Baju commence à trouver qu'on ne vient pas le relever souvent. Restera-t-il du boudin ? Restera-t-il du vin blanc ? Cruelle énigme ! Partout autour de lui, Baju voit s'étaler sur ce quartier perdu de la poudrière le grand manteau blanc de la neige épaisse. Sans compter que ça tombe toujours. Ah ! Quelqu'un là-bas ! Zut ! Ce n'est pas un soldat. C'est un vieux. Un pauvre vieux qui ne doit pas en mener large par ce temps-là. Son grand manteau gris n'a pas l'air cossu et ses beaux cheveux d'argent ne valent pas un bon capuchon. Encore tout attendri par la vision du pays, le clocher, la mer, les petites sœurs, Baju sent son cœur inondé de tendresse et de pitié. « Entrez là-dedans, mon vieux bonhomme, vous serez mieux que sous la neige !» Et, se dépouillant de son manteau de guérite, il en couvre l'homme âgé, qui le remercie d'une voix grave et douce. Baju, lui, piétine dans la neige froide, heureux de rendre service au pauvre vieillard. Une accalmie. « Merci bien, mon ami, » fait le vieux s'en allant. « Votre bonne action vous portera bonheur. » Et les quarts et les demi continuent à se décrocher, comme à désespoir des beffrois de la ville. « Enfin, c'est pas malheureux. Si c'est pas honteux de relever un homme à 1h05 au lieu de minuit. » La broche, qui relève Baju, est abominablement gris. Circonstance qui ravive chez Baju les inquiétudes relatives au boudin et au vin blanc. Ils ont dû en faire une noce. Juste. Ah, les cochons. tout le poste, depuis le tambour jusqu'au sergent, sous comme un poste polonais, vautré, pêle-mêle, sur le lit de camp. Le boudin n'existe plus qu'à l'état d'arôme un peu fort. Les bouteilles de vin sont sèches, à croire qu'on les a passées à l'étuve. Ah oui, les cochons, on n'est pas cochons comme ça. Et ils ronflent tous comme des toupies hollandaises un lendemain de kermesse. Bajur anime le feu près de s'éteindre et se déchausse pour chauffer ses pauvres pieds gelés. C'est bon, un bon feu. La chaleur engourdit Bajur et Bajur s'assoupit. Et quand Bajur, réveillé, veut se chausser, il s'aperçoit qu'on a mis quelque chose dans ses godillots. Quoi ? Bajus s'empare du godillot droit et constate la présence d'objets métalliques et ronds qui brillent. Un louis, deux louis, trois louis, quatre louis. Cinq louis. Cinq louis d'or, tout battant neuf. Bajus, beaucoup trop honnête pour placer cette somme dans son porte-monnaie, la dépose dans sa cartouchière provisoirement. Le godillot gauche recèle trois paquets enveloppés de papier, un gros et deux petits. Le gros, c'est un couteau de 32 lames, infiniment plus superbe que ceux qu'il admire tous les jours à la devanture du coutelier de la Grand-Rue. Les deux petits paquets, ce sont deux paires de boucles d'oreilles, mignonnes comme tout, pour ses petites sœurs, parbleu. Et puis enfin, Bajus trouve une carte de visite portant ces mots. « Le bonhomme Noël... » Remercie bien vivement Monsieur Bajus de sa gracieuse hospitalité. Villa des Flocons, le ciel. Conte de Noël. Il y a maintenant 3 ans, c'est-à-dire à l'époque de Noël, je me trouvais détenu dans une petite prison du Yorkshire, en prévention de vol, escroquerie, chantage, le tout doublé d'une assez vilaine histoire de mœurs sur laquelle il me serait pénible d'insister ici. Ce qui me vexait le plus en cette occurrence, c'était moins la détention elle-même que l'époque à laquelle elle se produisait. J'ai toujours adoré Christmas, cette fête des babies et du foyer. Christmas, le bon Christmas. Du gui, encore du gui. En Angleterre, plus que partout, et particulièrement dans le Yorkshire, la fête de Noël a un caractère d'intimité dont le boudin parisien ne donne qu'une lointaine idée, si lointaine. Pour l'intimité, je n'avais rien à dire. Ma cellule était intime, un peu trop peut-être. Mon geôlier m'avait... Oh, l'étrange geôlier, c'était un ancien horse guard qui avait perdu une jambe dans la guerre contre les Ashantis. Comme il s'était engagé jadis au horse guard pour l'uniforme, il avait tenu, malgré son amputation et sa nouvelle fonction, à conserver son ancien costume. Et c'est vraiment une très comique chose de voir d'un côté une jambe de bois et de l'autre une culotte de peau, une botte et un éperon. Très comique et très touchante chose. Cependant, malgré tous ces détails, la nuit de Noël arrivait. Et moi qui étais invité à un réveillon aux îles Féroé, dans la sainte famille d'un pasteur évangéliste. Vous tous qui me lisez, ou presque tous, vous avez été en prison. Mais étant en prison, avez-vous vu tomber la neige ? Ah, quelle horreur, la neige qui tombe quand on est en prison. La seule sensation qui vous rattache au monde extérieur, le bruit, le délicieux bruit, sweet noise, disparaît. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien. Et elle tombait sans relâche, oblique, dorue, serrée, si bien que ma pauvre petite cellule en était obscurcie et comme étouffée. Un bruit surtout me manquait. Parmi ceux que j'avais remarqués et que j'aimais depuis ma captivité, c'était celui de la promenade de mon geôlier dans la grande cour de la prison. D'abord pan, le coup mat de la jambe de bois sur le pavé, et puis le toc, triomphant et vainqueur du talon de la botte, métallisé par la vibration de l'éperon, et puis ainsi de suite. Mon vieux Horsgard ne se promenait-il plus ? Ou bien le bruit de sa marche était-il étouffé par la neige ? Je me posais ces questions avec l'inquiétude vaine que crée l'oisiveté de la vie cellulaire. La nuit de Noël était venue et je n'avais pu me décider à me coucher. Les cloches sonnèrent dans la ville d'abord et dans les petites paroisses voisines. Ces dernières, étouffées par la neige, voilée par le lointain et si attendrissante que je sentis se mouiller mes yeux. J'ai toujours pleuré en écoutant dans le loin les cloches de campagne. « Goïn !» fis-je en m'éveillant de mon rêve bleu. On venait de frapper à la porte de ma cellule. C'était une toute blanche et rose fillette d'une quinzaine d'années, portant à son bras gauche un petit panier et tenant à la main droite une grosse touffe de gui. « Good night, sir !» dit-elle. « Good night, miss !» répondis-je. Et elle continua, toujours en anglais. « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Mais si !» répondis-je dans la même langue. « Je crois vous avoir déjà rencontré dans un album de Kate Greenaway. »« Non, pas là. »« Alors, dans ma belle image de Robert Caldecott ?»« Non plus. » Un silence. « Comment ?» dit-elle d'un air mutin. « Vous ne vous rappelez pas ? L'année dernière, vous m'avez sauvé d'une mort certaine. Je traversais Trafalgar Square lorsque soudain et en proie à une rage subite, l'un des lions en bronze de cette place se précipita sur moi. Je n'eus que le temps de fuir. Un omnibus passait, vous ayant sur l'impérial, vous vous penchâtes et d'un bras vigoureux m'enlevâtes à la voracité du fauve. Toute penaude, cette bête reprit sa place immuable et le rôle décoratif que lui avait assigné l'artiste. J'avais beau rassembler mes souvenirs, je ne me rappelais rien d'analogue. Mais elle insista tellement. Même que c'était l'omnibus de Bullengate. Vous alliez à la Villa Chiavenna, chez votre ami Lombardi. Devant un fait aussi précis, je m'inclinais. Elle sortit de son panier le plum pudding de la reconnaissance, quelques bouteilles d'ale, et nous soupâmes joyeusement. À l'aube, elle s'enfuit, emportant mon cœur et les bouteilles vides. Depuis, j'ai cherché à me rappeler ce curieux incident de Trafalgar Square. Je n'ai jamais pu. Il est vrai que je ne me rappelle pas davantage la prison du Yorkshire, le geôlier à jambes de bois, sa fille blanche et rose, le plum pudding et les bouteilles d'ale. C'est drôle dans l'existence, comme on oublie tout. Vous avez entendu Une sale blague, En voyage, Sancta Simplicitas, Les Templiers, Le bon factionnaire et Conte de Noël, des textes d'Alphonse Allais, lus par François Morel et Christine Murillo. Prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus et Valentin Azan-Zielinski. Assistante à la réalisation, Alexandra Garcia-Villa. Réalisation, Cédric Ossir. Écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. On reprend la discussion sur Alphonse Allais dans quelques minutes avec mon invité Daniel Grojnovski. Thank you. Madame la Nena, Todotienne et Soufine sur France Inter. Autant en emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Pierre-Yves de Rolin. Daniel Krojnovski, nous avons écouté donc 6 des innombrables histoires écrites par Alphonse Allais. On aurait pu évidemment en choisir bien d'autres. Il y a du Allais pour tous les goûts, vous êtes d'accord? Mais il y a un style quand même, un style Allais. De quoi est-il fait, Daniel Krojnovski? Alors en quoi est-il moderne aussi? Alors moderne, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je parle. Pense que les histoires d'infidélité ou de garde à l'armée ont un peu perdu de leur saveur d'époque. Leur actualité, en tout cas. Je voudrais quand même insister sur le fait que Allais est un comique, un conteur professionnel. Hein. Il vit de sa plume. Oui. C'est pas un écrivain. Oui. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore chez lui. C'est un marginal. Hein. Il ne fait pas carrière. Maurice Donnet, qui travaille au Chat Noir, finit à l'Académie française. Hein. Mmh. Georges Courteline est tout heureux d'être joué au Théâtre français, c'est-à-dire à la Comédie française. Allais, il reste en marge. Hein. Mais il gagne sa vie en écrivant. Et je pense que dans le millier de contes qu'il a publiés, le déchet est considérable. Hein. Il fait durer le plaisir. Hein. Il y a vraiment des contes bons, où hein. on sent. Oui. Et d'ailleurs, il le fait à merveille. Hein. Je trouve que quand François Morel lit quelque chose, tout devient intéressant. On retrouve justement le plaisir du conteur récit. Qui a son public, hein, qui sent son public, qui va relancer, qui va faire une digression, un jeu de mots complètement idiot, mais qui va faire rire tout le monde. Est-ce qu'Alphonse Allais lisait ses textes au Chat Noir, par exemple, devant le public? Je n'en ai pas le souvenir. Il adorait pas ça. Hein. Il servait des interprètes. Hein. Et puis surtout, il écrivait pour être publié. Il écrivait très vite. Pour être lu. Mais dans le conte écrit, il y a toujours le ton. Hein. Il y a la présence d'une voix. Et ça, justement, quand il y a des interprètes de bonne qualité, on le sent. Mais même si vous le lisez à haute voix, vous sentirez hein, ouais. cette espèce de présence. Et là, c'est l'époque des conteurs. Hein. Il y a deux grands conteurs de l'époque. À la mort de Maupassant, je crois que Zola et Mallarmé ont dit « c'est notre La Fontaine ». Ben l'autre La Fontaine, c'est Alphonse Allais. Hein. C'est un des grands conteurs. Et je crois qu'il rodait certaines histoires dans les bistrots. Hein. Il se racontait comme ça. Puis après, il écrivait très vite. Hein. On n'a pas de manuscrits. On a très peu de manuscrits. Il s'en fichait complètement. Ouais. Il gagnait sa vie. Quel regard Alphonse Allais porte-t-il sur ses contemporains, ses frères et sœurs humains? Il y a de la tendresse et puis un mélange de férocité aussi. Non, alors là, je crois qu'il ne faut pas dire ça, à mon avis. Hein, évidemment, faut on pas est dire là pour... Quoi non. Non, mais dites-moi justement, si vous voulez. Il y a une drôlerie d'Alphonse Allais qui ne prend pas de risques. Hein. Je dirais qu'il caresse son public, hein, qui est un public populaire, qui raconte, hein, qui dit « tu l'as lu », etc. Mais il veut pas hérisser les gens. Hein. C'est toujours les histoires de femmes infidèles, mais c'est du fédo, c'est du boulevard, c'est du ressucé. Hein, il ne prend pas de risques. Il reste, si vous voulez, dans l'humour rose, je dirais. Hein. Et André Breton, quand il le fait figurer dans l'anthologie de l'humour noir, expression ouais. qu'il emprunte d'ailleurs à Huysmans, eh ben, il trouve un conte qui n'est pas noir pour un sou. Il ne veut pas choquer vraiment les gens. Il est bon enfant, il est bienveillant. Alors, on peut trouver hein, des exceptions. D'ailleurs, j'en ai trouvé facilement. Il y a quand même des contes assez gores. Hein, la pauvre Césarine oui, c'est qui l'exemple. Offre son cœur c'est l'exemple. À son oui, chéri. Je ne le connaissais pas. Cœur, grâce exemple. À vous, grâce à vous, je l'ai relu. C'est épouvantable, d'ailleurs. Oui, c'est le seul exemple d'humour noir. Je résume. Elle veut donner quelque chose à manger à son chéri dont elle a découvert qu'il la trompe. Et elle lui révèle que la bonne viande qu'elle lui a fait à manger, et ben c'est son cœur qu'elle a arraché de sa poitrine. Oui. Il y en a d'autres. Il y a des histoires très misogynes aussi chez Alphonse Allais. Oui, il est dans la misogynie d'époque. Hein. Alors là, il n'est pas très original là-dessus. Mmh. Mais un conte comme celui-ci, qui est vraiment un conte noir, qui mériterait d'être dans l'anthologie de l'humour noir, vous n'en trouverez pas 10. Sur 1000. Alphonse Allais a connu la célébrité de son vivant. Oui, enfin, c'était le rigolo de service, hein, sans plus. Oui, il a eu du succès, il écrivait beaucoup, il a fait du théâtre, il a fait des merveilles. Hein. Il a exposé, par exemple, au Salon des Arts Incohérents, qui était près d'Ada, si vous voulez, où on présentait des choses complètement absurdes. Il y avait ce fameux dessin avec des tout blancs, en fait, du monochrome. C'est l'inventeur, entre guillemets, des monochromes. D'ailleurs, il a publié un album primo avrilesque, hein, où il y a des monochromes de toutes les couleurs, et il avait exposé cette page blanche, première communion de jeune fille chlorotique en temps de neige, quelque chose comme ça. L'album est magnifique, hein, c'est dommage qu'on le réédite pas, mais vous voyez, c'est gentil, ça reste gentil. Donc, Alphonse Allais meurt en 1905, mais sa postérité quand même est immense, grâce notamment, vous l'avez dit, Daniel Krojanowski, à André Breton et aux dadaïstes, et à Marcel Duchamp, qui est aussi, on l'ignore, on le présente toujours comme l'inventeur en art de l'art conceptuel, mais en fait, il doit beaucoup à Alphonse Allais. Oui, j'aime beaucoup les légendes parce que peut-être qu'elles sont d'origine authentique. On dit que Marcel Duchamp, qui est mort en 68, 69, je me rappelle plus, est mort dans sa salle de bain avec un volume des œuvres complètes d'Alphonse Allais. Et je pense qu'il y avait des monochromes à ce moment-là parce qu'il y a toute une filiation. Oui. Marcel Duchamp, c'est d'abord un dessinateur humoristique. De la butte Montmartre, hein, et le Chat Noir n'est pas loin. Tous les artistes de l'époque gagnent de l'argent en publiant des dessins humoristiques dans la presse satirique de l'époque. Et je pense que avec Duchamp, on est toujours, c'est plus fumiste, hein, c'est pas non plus Jarry. Mais vous voyez, une espèce de filiation, de la dérision, d'un rire comme ça très critique qui ne participe pas au fond, hein, aux normes sociales. Merci beaucoup, Daniel Grojnowski. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Fumisterie, naissance de l'humour moderne 1870-1914, qui est une anthologie composée avec Bernard Sarrazin chez Omnibus, de textes d'Alphonse Allais, entre autres. Allais à se tordre chez Flammarion, dans la collection GF. Et votre dernier livre, justement, Daniel Grojnowski, Marcel Duchamp, dessinateur humoriste, qui vient de paraître aux éditions Marguerite Vakin. À lire également la biographie d'Alphonse Allais par François Karadec, paru chez Bellefond, et bien sûr les œuvres d'Alphonse Allais aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Voilà, c'est la fin de On emporte l'histoire pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons à Hollywood dans les années 1920 en compagnie de deux monstres sacrés du cinéma muet confrontés à l'arrivée du parlant, Greta Garbo et John Gilbert. Pour l'amour de la divine Garbo, c'est dimanche prochain dans Autant d'emporte l'histoire.